boys and girls, this is Rip and Roach. Salut à tous et on se retrouve pour une nouvelle heure de Pop and Rock. Allez, on commence avec ça. J'avais un ami, mais il est parti. Ce sens à ma vie, il n'est plus en vie. Il m'a tout donné, puis s'est effacé. Moi, le rock a bien commencé dans les années 70, mais point de Deep Purple et autres Led Zepp, mais Téléphone, les banlieusards parisiens énervés, ou bien encore ce truc qui fut le second 33 tours qui entra dans ma... Ouais, 33 tours, j'ai bien dit 33 tours, hein, qui entra dans ma chambre d'ado curieux. Thank you. Alors c'est sûr qu'à la fin des années 70, on n'était pas seulement en train d'écouter du téléphone et du Queen, les radios dites périphériques nous envoyaient nous balancer le Christophe, le Michel, enfin les Michel, le Jean-Philippe, Lady, et les télés n'étaient pas très originales, mais heureusement, il y avait un Bernard Lenoir et son feedback qui nous annonçaient les belles années 80. Et ouais, soyons clairs, splendide années 80 pendant lesquelles je construis ma culture musicale. She takes the blame. It's always the same. She goes down on her knees and prays. I don't want to start any blasphemous rumors, but I think that God's got a sixth sense of humor. And when I die, I expect to find him laughing. Ouais, et les années 80 furent donc des années de découverte de U2 à Cure, en passant par Depeche Mode, Tears for Fears ou bien encore Simple Minds. Et puis, un jour dans les années 80, j'ai été, comment dire, allez, électrisé par les Sœurs de la Pitié ou Sœurs de la Miséricorde. So Années 80, à partir de là, mes goûts musicaux ont définitivement tourné le dos à la variété dégueulée dans les radios et les chaînes télé musicales. Avec les potes, on s'est mis à gratter, à chercher ce que les bien pensants oubliaient de nous imposer. Ce fut le temps des Church ou encore des Sad Lovers and Giants. Yeah. belles années musicales 80 qui laissèrent la place aux années 90 avec notamment deux trucs que je trouve tout à fait inutile de vous présenter. Écoutez bien Pop and Rock sur la très locale RVR avec la nostalgie de notre programmateur. Au sombrero de la mer qui ont su traverser les océans du vide,

Le XXe siècle était donc certainement fait musicalement pour pop and rock. Il nous suffisait de nous baisser pour trouver de vrais sons rock. Les salles de concert proposaient rap, rock, variété à profusion. On pouvait choisir. Aujourd'hui, nous devons limer le bitume pour voir nos artistes préférés. That is us. We knew we had to change as a matter of life or death. We still missed every chance to improve. We knew it all along. We knew exactly what was wrong. We knew it was too late to recover. Man against the world, avoiding a bad future, avoiding any wisdom, oh, that is us. We're not even trying. Mais quelques groupes anciens résistent, des Pink Turns Blue aux Pixies en passant par les Sisters. Mais heureusement, des groupes plus récents reprennent le flambeau, comme Clinique Rodeo ou comme tout de suite Black Box Revelation. Let me ask you again, am I C'est donc l'heure de se quitter et vous l'avez compris, on se quitte avec le duo rock Clinique Rodeo, un petit groupe français que j'adore. Sur ce, je vous dis rendez-vous semaine prochaine, même heure, même endroit, et comme toujours, bon vent à tous. Trouble, only fire.